Donc, une après-midi, comme elle se baissait devant sa commode, il s'approcha d'elle et eut un jet d'une éloquence si peu ambiguë qu'elle se redressa tout empourprée. Il recommença de suite. Alors, elle fondit en larmes, disant qu'elle était bien malheureuse et que ce n'était pas une raison pour qu'on la méprisât. Il réitéra ses tentatives. Elle prit un autre genre qui fut de rire toujours. Il crut malin de riposter par le même ton et en exagérant. Mais il se montrait trop gai pour qu'elle le crût sincère. Et leur camaraderie faisait obstacle à l'épanchement de toute émotion sérieuse. Enfin, un jour, elle répondit qu'elle n'acceptait pas les restes d'une autre. Quelle autre? Eh oui, va retrouver Madame Arnoux. Car Frédéric en parlait souvent. Arnoux, de son côté, avait la même manie. Elle s'impatientait à la fin d'entendre toujours vanter cette femme. Et son imputation était une espèce de vengeance. Frédéric lui en garda rancune. Elle commençait du reste à l'agacer fortement. Quelquefois, se posant comme expérimentée, elle disait du mal de l'amour avec un rire sceptique qui donnait des démangeaisons de la gifler. Un quart d'heure après, c'était la seule chose qu'il eût au monde, et, croisant ses bras sur sa poitrine, comme pour serrer quelqu'un, elle murmurait « Oh oui, c'est bon, c'est si bon !» les paupières entrecloses et à demi-pâme et d'ivresse. Il était impossible de la connaître, de savoir, par exemple, si elle aimait Arnoux, car elle se moquait de lui et en paraissait jalouse. De même, pour la Vadnaz, qu'elle appelait une misérable, d'autres fois, sa meilleure amie. Elle avait enfin, sur toute sa personne, et jusque dans le retroussement de son chignon, quelque chose d'inexprimable qui ressemblait à un défi. Et il la désirait, pour le plaisir surtout de la vaincre et de la dominer. Comment faire? Car souvent, elle le renvoyait sans nulle cérémonie, apparaissant une minute entre deux portes pour chuchoter « Je suis occupé, à ce soir !» Ou bien il la trouvait au milieu de 12 personnes. Et quand ils étaient seuls, on aurait juré une gageure tant les empêchements se succédaient. Il l'invitait à dîner, elle refusait toujours. Une fois, elle accepta, mais ne vint pas.